Conversation. Écoutez. Que faisons-nous ce soir? Si nous sortions? Regardons ce qu'il y a sur le journal. Sur lequel? Sur celui-ci? Non, ne prends pas celui-ci. C'est celui de la semaine dernière. On n'avait pas acheté le pariscope? Ah si, tu as raison. Je l'ai acheté en début de semaine. Répétez. Hein? Que faisons-nous ce soir? Si nous sortions? 2. Regardons ce qu'il y a sur le journal. 3. Sur lequel? Sur celui-ci? 4. Non, ne prends pas celui-ci. C'est celui de la semaine dernière. 5. On n'avait pas acheté le pariscope. 6. Ah si, tu as raison. Je l'ai acheté en début de semaine. 7. Où est-il donc? 8. Je l'avais mis sur la table du salon. 9. Sur laquelle? 10. Celle qui est à côté du téléphone. 11. Pourtant, je ne le vois pas. 12. Tu ne trouves jamais rien. Regarde bien. Où est-il donc? Je l'avais mis sur la table du salon. Sur laquelle? Celle qui est à côté du téléphone. Pourtant, je ne le vois pas. Tu ne trouves jamais rien. Regarde bien. Répondez, répétez. 13. Que faisons-nous ce soir? Si nous sortions? 14. Regardons ce qu'il y a sur le journal. 15. Sur lequel? Sur celui-ci? 16. Non, ne prends pas celui-ci. C'est celui de la semaine dernière. 17. On n'avait pas acheté le pariscope. 18. Ah si, tu as raison. Je l'ai acheté en début de semaine. 19. Où est-il donc? 20. Je l'avais mis sur la table du salon. 21. Sur laquelle? 22. Celle qui est à côté du téléphone. 23. Pourtant, je ne le vois pas. 24. Tu ne trouves jamais rien. Regarde bien. Écoutez. Alors, nous allons au cinéma? La semaine dernière, j'avais lu une bonne critique sur L'école est finie. Passe-t-il déjà? Oui, il passe depuis mercredi. Quel est le cinéma du quartier où il passe? Il me semble que nous avions vu l'affiche au Gaumont-Richelieu. Ça ne m'inspire pas. Il n'y a rien d'autre. J'en avais vu un autre qui m'avait paru intéressant. De quoi s'agissait-il? Un titre bizarre. Ah oui, Le mort aux dents. Quels sont les acteurs? Je ne m'en souviens pas, mais ce sont de grands acteurs. Répétez. 25. Alors, nous allons au cinéma? 26. La semaine dernière, j'avais lu une bonne critique sur L'école est finie. 27. Passe-t-il déjà? 28. Oui, il passe depuis mercredi. 29. Quel est le cinéma du quartier où il passe? 30. Il me semble que nous avions vu l'affiche au Gaumont-Richelieu. 31. Ça ne m'inspire pas. Il n'y a rien d'autre. 32. J'en avais vu un autre qui m'avait paru intéressant. 33. De quoi s'agissait-il? 34. Un titre bizarre. Ah oui, le mort aux dents. 35. Quels sont les acteurs? 36. Je ne m'en souviens pas, mais ce sont de grands acteurs. Répondez, répétez. 37. Alors, nous allons au cinéma? 38. La semaine dernière, j'avais lu une bonne critique sur L'école est finie. 39. Passe-t-il déjà? 40. Oui, il passe depuis mercredi. 41. Quel est le cinéma du quartier où il passe? 42. Il me semble que nous avions vu l'affiche au Gaumont-Richelieu. 43. Ça ne m'inspire pas. Il n'y a rien d'autre? 44. J'en avais vu un autre qui m'avait paru intéressant. 45. De quoi s'agissait-il? 46. Un titre bizarre. Ah oui, le mort aux dents. 47. Quels sont les acteurs? 48. Je ne m'en souviens pas, mais ce sont de grands acteurs. Écoutez. Vous n'étiez pas chez vous hier soir? Non, nous étions sortis. Où étiez-vous allés? Nous étions allés au cinéma. Tu avais besoin de quelque chose? Non, j'avais eu des places de théâtre. C'est dommage. Pour quelle pièce? Le Piège, avec Robert Hirsch. Dans quelle salle? Au théâtre Édouard VII. C'était intéressant? Oui, assez. Répétez. 49. Vous n'étiez pas chez vous hier soir? 50. Non, nous étions sortis. 51. Où étiez-vous allés? 52. Nous étions allés au cinéma. 53. Tu avais besoin de quelque chose? 54. Non, j'avais eu des places de théâtre. 55. C'est dommage. Pour quelle pièce? 56. Le Piège, avec Robert Hirsch. 57. Dans quelle salle? 58. Au théâtre Édouard VII. 59. C'était intéressant? 60. Oui, assez. Répondez, répétez. 61. Vous n'étiez pas chez vous hier soir? 62. Non, nous étions sortis. 63. Où étiez-vous allé? 64. Nous étions allés au cinéma. 65. Tu avais besoin de quelque chose? 66. Non, j'avais eu des places de théâtre. 67. C'est dommage. Pour quelle pièce? 68. Le Piège, avec Robert Hirsch. 69. Dans quelle salle? 70. Au théâtre Édouard VII. 71. C'était intéressant? 72. Oui, assez. Écoutez. À quoi penses-tu? Je suis en train de penser qu'il vaut mieux rester à la maison. Mais c'est toi qui avais eu envie de sortir, non? Oui, mais ce que tu me proposes ne m'emballe pas. N'exagère pas. On dit beaucoup de bien de ce film. Mais tu sais bien que nous n'aimons pas les mêmes films. Répétez. 73. À quoi penses-tu? 74. Je suis en train de penser qu'il vaut mieux rester à la maison. 75. Mais c'est toi qui avais eu envie de sortir, non? 76. Oui, mais ce que tu me proposes ne m'emballe pas. 77. N'exagère pas. On dit beaucoup de bien de ce film. 78. Mais tu sais bien que nous n'aimons pas les mêmes films. Répondez, répétez. 79. À quoi penses-tu ? 80. Je suis en train de penser qu'il vaut mieux rester à la maison. 81. Mais c'est toi qui avais eu envie de sortir, non ? 82. Oui, mais ce que tu me proposes ne m'emballe pas. 83. N'exagère pas. On dit beaucoup de bien de ce film. 84. Mais tu sais bien que nous n'aimons pas les mêmes films. Écoutez. De qui est la mise en scène de cette pièce ? Ne me le demande pas, je n'en sais rien. Claude, regarde sur le programme. La mise en scène est de Jean-Luc Moreau. De quoi est-il question dans cette pièce ? Voilà de quoi il est question. La vie et la mort de Marat. Tu la connais, cette pièce ? Oui, j'en avais entendu parler. Répétez. 85. De qui est la mise en scène de cette pièce ? 86. Ne me le demande pas, je n'en sais rien. 87. Claude, regarde sur le programme. 88. La mise en scène est de Jean-Luc Moreau. 89. De quoi est-il question dans cette pièce ? 90. Voilà de quoi il est question. La vie et la mort de Marat. 91. Tu la connais, cette pièce ? 92. Oui, j'en avais entendu parler. Répondez, répétez. 93. De qui est la mise en scène de cette pièce ? 94. Ne me le demande pas, je n'en sais rien. 95. Claude, regarde sur le programme. 96. La mise en scène est de Jean-Luc Moreau. 97. De quoi est-il question dans cette pièce ? 98. Voilà de quoi il est question. La vie et la mort de Marat. 99. Tu la connais, cette pièce ? 100. Oui, j'en avais entendu parler. Écoutez. 101. Ce soir, on donne Hiroshima mon amour. Tu t'en souviens ? 102. Oui, je me souviens de ce film. J'avais été bouleversée. 103. Il avait été longtemps à l'affiche. 104. Oui, très longtemps. Ce film avait eu un grand succès. Répondez, répétez. 105. Ce soir, on donne Hiroshima mon amour. Tu t'en souviens ? 106. Oui, je me souviens de ce film. J'avais été bouleversée. 107. Il avait été longtemps à l'affiche. 108. Oui, très longtemps. Ce film avait eu un grand succès.